manque un peu les filles. Allez, ouvrez ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM et RIGFM.fr. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Johnny de A à Z, la 562e. J'espère que vous avez pu dire à tout le monde d'écouter cette émission qui officie tous les mercredis, ou presque tous les mercredis, et avec du Johnny Hallyday et du bon Johnny Hallyday. Pas de trop de blabla, non, pas d'interview, on va dire, en gros, de personnes indésirables ou quoi que ce soit. Non, on a de la musique et puis aussi des fois on a des liaisons avec des correspondances avec ceux qui sont derrière les manettes, derrière ceux qui fabriquent les disques, qui nous sortent tous ces inédits et puis aussi la remasterisation de certains albums. Voilà, voilà ce qui est dit. Et un peu le thème de ce soir. Ce soir, ce sera le thème des inédits, des titres inédits. Et à la suite de l'édition du titre inédit de 2024, Il faut rouler, paru le 22 novembre 2024 dans Johnny 68, nous allons parler aujourd'hui de titres inédits parus des années bien longtemps après, des inédits apparus sur Johnny History, sur les livres disques. Donc bref, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite piqûre de rappel sur tous les titres sortis de 2020 à 2024, voilà, pour vous rappeler que ces inédits-là, il ne faut pas les oublier, qu'il faut les écouter de temps en temps. Du moins, c'était la remarque que je m'étais faite. Du genre, je me suis dit, c'est vrai qu'on entend cet inédit-là, mais après, est-ce qu'on l'écoute réellement après? Eh bien justement, on va rectifier un peu le tir dans cette émission Johnny de A à Z dédiée à tous ces titres inédits. Et donc aujourd'hui, nous allons écouter quelques-uns, comme du genre le dernier titre en date, Il faut rouler. La chanson qui date de 1968 a été retrouvée par Universal. Johnny interprète ce titre alors qu'il multiplie les projets concerts, films et albums après son passage à l'armée. Il évoque dans ce morceau le monde du spectacle et les coulisses, souvent harassantes, détournées et son quotidien de ville en ville. Et le morceau est une adaptation d'un titre anglo-saxon signé Mickey Jones et Tommy Brown. Et on ne sait pas, malgré les recherches auprès de la SACEM, qui est l'auteur du texte français. Pour rappeler que Il faut rouler est sorti le 22 novembre 2024 en single et sur le coffret Johnny 68 le 13 décembre 2024. Nous allons écouter Xavier Perrault, qui est le chef de projet catalogue Johnny Hallyday chez Universal, qui nous parle justement de ce titre, Il faut rouler. C'est un inédit qui est moins abouti que celui qu'on avait retrouvé sur 71 Waterloo. On sent la chanson est là, elle existe, mais voilà, on sent qu'elle est amenée à avoir d'autres développements. On peut peut-être ajouter d'autres instruments derrière. Alors, on est sur une bande, comme on peut le voir ici, qui est indiquée 4R89. Et ces bandes-là, 4R, c'est normalement des bandes uniquement playback. Donc il n'y a pas la voix de Johnny normalement. C'est sur cette bande-là qu'on va trouver ce titre Il faut rouler, qui n'est même pas indiqué sur la bande. Mais on passe absolument tout au crible. Il est temps de repartir vers une autre ville. Je viens chercher le public qui m'attire. Mais dans votre ville, avant d'arriver, il voulait. Que la fièvre me gagne, c'est bon. Il faut rouler, il faut rouler, pour venir vous retrouver. la fin. Je rentre à l'hôtel, seul tristement. Le public est bien loin. Des filles qui m'appellent dorment maintenant. Il faut rentrer pour se coucher, car demain il faut rouler. Tous ces yeux remplis d'amour, je les vois bien chaque jour. Les yeux partent dans la nuit, je suis tout seul et je me une autre ville pour aller chercher le public qui m'attire. Les amours inutiles, à quoi bon penser? Il faut rouler, il faut rouler pour venir retrouver. Il faut rouler, Johnny Hallyday, en 1968. À présent, passons sur une réédition de l'an 2000. En l'an 2000, un titre avait été, Universal avait sorti tous les 33 tours de Johnny Hallyday en digipack en l'an 2000. Et donc, ils avaient sorti et rajouté quelques titres bonus dessus. Et notamment aussi des titres inédits, comme le titre sur l'album Rough Town qui complète cette réédition. Le titre One Moment in Life. Le son, la production de cette agréable ballade sont assez éloignés de l'esprit du CD. Et l'on comprend pourquoi cette mise à l'écart initiale, mais il y eut été dommage de ne pas l'entendre. La mélodie est accrocheuse. Blue Moon Rising est sorti sur la face B de Love Affair et Crazy Over You est paru sur une compilation en 1995 pour la fête de la musique. Et les deux furent rajoutés en bonus sur la réédition de 2000, ainsi que ce titre-là qu'on écoute tout de suite. One Moment in Your Life, John Hallyday sur l'antenne de RIG.

tient toujours. Si je prie quelquefois par mes absents, chacun de nous a les mots qu'il a choisir. Au jour le jour, je vis ma vie, j'en paye le prix. Ma destinée, c'est l'envers du décor. À mon étrange, où sont exclus les remords. Et si j'érange, si je refuse de me taire. Et d'être libre et puis de m'aider et d'avancer. Ce qui me reste est réduit. les chiens en laisse. Et puis le danger que la vie, c'est sans arrêt. Non, je n'ai aucune limite, ignore la peur, ignore le pain, et choisir d'exister. Donner, j'ai tout donné. Antoine de RIG, 90.7 de la bande FM et l'émission Johnny de A à Z. Donc ce titre, le 26 mai 2000, Canal Plus diffusé à l'idée par Johnny. 5 heures de programme pour un portrait retraçant la dernière décennie du chanteur. Dans ce portrait, réalisé par Patrice Golupo, figurait une dizaine de titres inédits enregistrés entre 1992 et 1998 dans les endroits les plus divers, en répétition ou en concert, dont le fameux Tout Donné, extrait des premiers soirs à Bercy en 1992, et celui-ci n'existe que sur le CD projet spécial Les Inédits destiné au fan club, le club Johnny. Poursuivons un petit peu les inédits de Johnny Hallyday et là on tombe en 2012 sur exactement l'anthologie Johnny History publiée en octobre 2012 et on va retrouver une série de titres comme du genre Pour moi tu es la seule, tu vois ce que je veux dire, Bye Bye Baby, Sable Mouvant, etc, etc. On en parlera au fur et à mesure des uns des autres. Premier titre qu'on va écouter, ce sera Pour moi tu es la seule, datant de 1960. C'est la version alternative lors des sessions d'enregistrement de l'album Vie et le titre original date de 1964, du moins la version de Johnny Hallyday. Et voici la version de 1970, souvenez-vous. Qu'il n'en existe pas, car pour moi tu es la seule, la seule. Ta façon de me regarder fait me troubler, ta façon de que mon passé me fait. Oh oh, car pour moi tu es la seule. La version studio de Tu vois ce que je veux dire, adaptation du titre de Lee Michaels par Philippe Labron, enregistré en 1972 lors des sessions de l'album Country Folk Rock. Le prochain titre date de 1973, il s'intitule Bye Bye Baby, écrit par Eddie Vartan et Michel Mallory pour les besoins du magazine Mademoiselle Âge Tendre, ici dans cette anthologie Johnny History, publiée en octobre 2012 en version intégrale. Dans la version du magazine Mademoiselle Âge Tendre, l'interview, la chanson du mois a été coupée d'interviews de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Donc on peut retrouver le 45 tours. Oui, si vous avez de la chance, vous pouvez le trouver également et peut-être avec le magazine. Nous allons écouter d'ici quelques secondes Laurent Guénaud, ingénieur du son pour les besoins de Universal. Car vous savez que ce soir, dans l'émission Johnny de A à Z, on retrace les inédits de Johnny Hallyday, sortis des tiroirs d'Universal et de Warner de 2000 à 2024. Laurent Guénaud nous parle pourquoi certains titres ne figurent pas sur tel ou tel album. Sur toutes les productions, en fait, il y a très souvent des titres qui ne sont pas mis sur l'album pour X raisons, parce qu'il y a trop de titres, parce que le titre arrive un petit peu trop tard. Enfin voilà, il y a X raisons pour ne pas se retrouver sur un album, et ça ne veut pas dire que le chanteur n'aimait pas cette chanson. Loin de là, quoi. C'est pas du déchet, c'est juste que... Ben voilà, où ça n'est pas dans une... Tu vois, par exemple, il y avait une inédit Waterloo, effectivement, ça collait pas dans la couleur du reste de l'album, c'était un truc un petit peu à part, donc oui. Tu comprends aisément que les gars se disent, bon, bah, tant pis, on l'adore, mais on la met pas sur l'album, parce que c'est un petit peu à part. Tout de manière, Johnny, j'ai quelques petits bouts de trucs où il essaye de chanter, il dit, non, aujourd'hui, j'ai pas la voix, je chante pas. Ouais. Donc, s'il n'avait pas envie de chanter, s'il n'avait pas envie de laisser de traces, il ne l'aurait pas chanté. Alors que c'est des trucs, bon, ben là, ouais. C'est bien chanté, il prend du plaisir, et donc c'est cool. Sable mouvant, pour deux yeux verts profonds comme la mer. Et sable mouvant, de vagues en larmes, je vogue en solitaire. Je croyais aux terres nouvelles, comme tout. sable mouvant, pour une peau plus lisse que la plage. Le sable mouvant, mon corps se noie, mon cœur a fait naufrage. Sable mouvant, écrit par Gilles Thibault et par Jean Renard lors des sessions de l'album Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le prochain titre, ce sera le titre Il faudra plus de temps que m'en donnera la vie de 1975, adaptation de Michel Mallory d'une chanson de Kris Kristofferson, Loving Her Was Easier. Session de l'album La Terre Promise. On écoute ça tout de suite dans l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Se fond avec la nuit. Le vent s'est calmé dans la maison. Je ne sens battre que ma vie. Comme une montagne va se cacher. Je caresse de mes doigts le souvenir de son corps qui se cambre sous mes mains. Si ce n'est ma solitude d'elle, il ne me reste plus rien. jamais ne revient l'amour. Je suis là quand la nuit est trop froide, quand ton lit est trop grand. Téléphone et j'arrive, peu importe le temps, je suis là. Ouais, quand tu veux, je suis là. Oh oui, appelle et j'accours pour faire l'amour. Je suis là. Je fais ce que tu veux, le jour et puis la nuit sans problème. Oh oui, tu fais ce que je veux, quand on est tous les deux, c'est pour ça que je t'aime. Oh, s'il y a de la bagarre dans les boîtes de nuit, si tu as des histoires parce que tu es trop jolie, je suis là, où et quand tu veux, je suis là. Oh oui, appelle et j'accours pour faire l'amour. Je suis là. Je fais ce que tu veux, le jour et puis la nuit sans problème. Oh, tu fais ce que je veux, quand on est tous les deux, c'est pour ça que je t'aime. Oh, quand tu as des problèmes, quand tu as des ennuis, tu sais où me trouver quand tu en as envie. Je suis là, où et quand tu veux, je suis là. Je suis là. Je suis là et la cover de I Can Help de Billy Swan, session de La Terre Promise en 1975, ainsi que le prochain titre, ceci dit, de 1975 également, issu des sessions d'enregistrement de La Terre Promise. Oui, à chaque baiser, à chaque rire, venez faire chanter tous mes amis. Oh, oh, Suzy dit, oui, c'est la vie. C'est fini. Oh, Suzy, dis. Autant que je me rappelle, c'était bien toi la plus belle. Suzy, dis. À chaque baiser, à chaque rire, venez faire chanter tous mes amis. Oh, oh, Suzy, dis. C'est la vie. À chaque rire, venez faire chanter tous mes amis. Oui, c'est la vie.

fou ce qu'elle peut être belle. Elle me scie, elle me colle au cœur, pourrue dans mes poches et ma tête. Elle me fait l'amour en couleur, en folie comme une fête. Elle est vraiment dingue, complètement dingue. J'aime qu'elle soit dingue de moi. Ça doit exister, je veux voir où ça entraîne. Oui, elle est vraiment dingue, oh, sublimement dingue. J'aime qu'elle soit dingue de moi. Je veux voir où ça entraîne. Elle est super folle, sublimement dingue. J'aime qu'elle soit dingue de moi. Elle est vraiment dingue, complètement dingue. C'est ma folie douce. Le prochain titre que nous allons écouter est paru en 2017 sur une compilation Hallyday Official 1961 et 1975. Elle a été composée par Jean Desca et écrite par Eric Chardin. C'est un titre qui a été enregistré durant les sessions de l'album Insolitude en 1973. Voici le titre Victoire, je t'aime. Et on comprend pourquoi ce titre ne figure pas sur l'album Insolitude. Déjà qu'il y a un ersatz comme un corbeau blanc qui y figure, pourquoi la chanson Victoire, je t'aime y serait également. Comme deux doigts qui s'ouvrent à la fin de la guerre. I, comme un soldat vainqueur qui défile droit et fier. C, comme deux bras qui se serrent sur le fils retrouvé. T, comme le Christ à l'église que l'on va remercier. Oh, comme des bouches ouvertes criant la liberté. Comme le traître au matin qu'on va décapiter. R, comme des poitrines glorieuses que l'on va décorer. E, comme la fourche qui moissonne la paix ressuscitée. Victoire, je t'aime. De tuiles rouges qui nous abritera. I, comme la maison dressée en dessous de ce toit. C, comme l'allée de gravier tournant dans le jardin. T, comme tes bras en croix sous le feu de mes mains. Oh, comme ton ventre rond pour le premier enfant. I, comme la lance d'Indien qu'il aura pour Noël. R, comme son cœur gonflé par l'amour à 15 ans. Comme la fourche de la mort qui nous rendra au ciel. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday à l'Olympia en l'an 2000 avec deux titres inédits qui sont sortis en 2019. Le premier cri que j'ai poussé

idée, mais le parolier est inconnu. Serait-ce la raison pour laquelle ce titre n'a jamais vu le jour officiellement? En tout cas, ce titre circule depuis 2006 sur le web, si vous préférez, sur le net. Mais juste avant, on va écouter John Hayday et sur les chansons qu'il a enregistrées et qui demeurent inédites. Pour sortir un disque de 10 chansons, par exemple, j'en enregistre 30 de chansons, et puis j'en jette 20. Sans doute que le jour où je mourrai, sans doute que mes gens de disque les sortira. C'est normal, ils ont payé pour ça, et ils les ont en réserve. Alors je pense qu'ils auront une sacrée réserve pour le jour où je crèverai. Et tu m'as pris dans ton enfance, et moi dans ma descendance, on est frappant de ressemblance. Et ta petite main dans la mienne, et soudain je suis un roi, tu deviens reine, tu fais comme moi. Tu viens d'ailleurs et pourtant, tu es ma chair et mon sang. Tu peux compter sur mon cœur à toute heure. Tu n'auras jamais mes yeux bleus, mais tu auras mon regard. On se découvrira mieux. J'aime lire sur tes lèvres, chaque syllabe est un poème, chaque sourire est un je t'aime. À nos deux âmes porte l'alliance, ton Vietnam avec ma France se sont mariés, se font confiance. Et tu viens d'ailleurs et pourtant, tu es ma chair et mon sang. Et tu te moules à mon amour pour toujours. Tu n'auras jamais mes yeux bleus, non mais tu auras mon nom. Remplira de tes jeux ma maison. Jolie Jade. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit dans l'émission Johnny de A à Z. Et ce soir, l'émission a pour thématique les titres inédits de 2000 à 2024. À présent, nous allons passer sur les quelques inédits de l'année 2020, notamment sur le disque, le livre disque Johnny 69 avec deux titres inédits que Universal avait trouvés. C'était La nuit avec moi et Je suis non violent, ou du moins une version alternative du fou du Colorado. Sinon, passons au premier titre, La nuit avec moi de 1969, donc morceau enregistré en décembre 68 au Olympic Sound Studio, un titre de Steve Marriott et de Ronnie Lane du groupe Small Faces. L'adaptateur est encore inconnu et c'est extrait donc des sessions d'enregistrement de Rivière Ouvre-t-on-lui, paru en 2020 sur donc le livre-disque Johnny 69. Take four. Take four. Hey! Regarde-moi bien, je voudrais bouger. Je suis très heureux, je voudrais hurler. Je voudrais voler. Ne me touche pas, je suis bien comme ça. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Oh. Ouvre-moi les yeux, je voudrais rêver. Donne-moi la main, je marche au plafond. Montre-moi l'amour, je saurais pleurer. Je sais qu'en enfer on connaît mon nom. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Tu as peur, reste avec moi, essaye. Tu verras, c'est facile. Quand nous serons ensemble, nous toucherons le ciel. Soulève mon corps, enterre-moi ici. Fais de mon visage un masque qui rit. Tu prendras mes yeux, ce sont des diamants. Poison violent. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Hey, hey, circule, hey, le steak. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Pour partager ma joie, la tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Hey, à moi, à moi. Oh, oh, oh, passe-le, électrique. Hey, oh, ma tête, oh, ma tête. Et passe. Jamais de serment, je ne donne pas ma tête à couper. Nom d'un juge, je suis non violent. Je n'ai jamais frappé les portes, battu des cartes ou des tapis. Je n'ai jamais tué le temps. Nom d'un flic, je suis non violent. C'est vrai, j'ai les dents du loup et les griffes. griffes du tigre. Et comme j'aime bien vivre libre, quand on veut m'apprivoiser, mes colères sont terribles. Et ça fait mauvaise impression, et j'ai une mauvaise réputation. Pourtant je suis vraiment non violent. Oh! Je ne bats pas les blancs en neige, des jaunes je ne fais pas d'omelette. Je n'ai jamais broyé du noir, non d'un soldat, je suis non violent. J'ai les dents du loup et les griffes du tigre. Et comme j'aime bien vivre libre, quand on veut m'apprivoiser, mes colères sont terribles. Et ça fait mauvaise impression, et j'ai mauvaise réputation. Pourtant je suis vraiment non violent. Si parfois je noie un chagrin, si parfois j'étrangle un sanglot, c'est bien contre ma volonté, non d'un amour, je suis non violent. La la la la la la la la, non d'un amour, je suis non violent. Hé hé hé hé hé hé hé, non d'un amour, je suis non violent. Hé hé hé hé hé hé hé hé hé, non d'un amour, je suis non violent. Hé hé hé hé hé hé hé. Non, d'un amour, je suis non violent. Oh non, non. Je suis non violent, date de décembre 1968 au studio Olympique de Londres et les studios des Dames de Paris. Ce titre est enregistré entre Lord de Mackenna et Vien avec Mick Jones à la guitare acoustique dans un style proche des musiques de western italien. Et pour le prochain titre qu'on retrouve également sur le livre disque Johnny 69, on va retrouver deux titres, Que je t'aime et ainsi que Je suis né dans la rue en répétition. Le 22 avril 1969, Johnny passe dans l'émission d'Europa Midi, présenté par Jacques Paoli. Johnny esquisse en avant-première un Que je t'aime rudimentaire qui n'est qu'un piano-voix et il y diffusait un extrait aussi des répétitions donc du Palais des Sports de Paris de 1969, Je suis dans la rue, ainsi qu'un medley rock'n'roll. Et c'est par ce petit medley qu'on va commencer cette session live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live, Johnny en répétition au Palais des Sports de Paris 1969. Okay, one, two. Come on, document Europa. Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Ouais. Derrière un terrain vague où se trouvent les taudis, dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire, parce que je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir, et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir, le cœur comme une pierre, je commençais ma vie, parce que je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Thank you.

je suis noir, tout noir. Y'a du bouillard dans mon whisky. Et dans mon verre, y'a de l'oubli. Fou, même si je suis fou, on me l'a déjà dit. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday en live à Bercy en l'an 2003 avec ce fameux titre, Le cœur en deux, pour la première fois chanté en live. Durant la tournée, plus près de vous, bien sûr. Les matins tristes au goût de cendre. cheveux, ce sera mon dernier orage. Comme un mal qui ronge mon cœur, ta main est toujours sur ma peau. Je confonds bonheur et douleur entremêlés dans un sanglot. S'enfuir tes cheveux, mais ils ont perdu la lumière. Mon corps est comme un cimetière où brûle ma propre croix de feu. Merci beaucoup. Ouais. Cette chanson, une chanson que j'ai enregistrée il y a très longtemps, c'est une chanson que je n'avais jamais interprétée sur scène. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi de la chanter pendant cette tournée d'hiver pour vous. C'est mon petit cadeau de fin d'année. Le cœur en deux de Bercy 2003, et ce titre a été tiré de la tournée Plus près de vous et sorti en 2020 sur le concert intégral et aussi également en 45 tours. Et on avait retrouvé aussi ce titre-là sur l'anthologie Johnny History de 2012. Et pour dire que ce concert était publicité depuis 17 ans, soit donc sorti en 2020. Le prochain titre qu'on va écouter, c'est Warner qui nous l'a offert. C'est le titre Deux sortes d'hommes que je retrouve ma petite fiche. Oui, voilà, une musique de Daran et des paroles de Pierre-Yves Lebert apparaît dans le coffret Un rêve américain en 2020. Deux sortes d'hommes a été enregistré en 2014 lors des sessions donc de l'album Rester vivant. Le titre n'avait finalement pas été retenu de peur de faire doublon avec un autre titre blues, Je t'ai même pas dit merci, écrit par Christophe Miossec. La chanson était alors tombée dans l'oubli, mais par un heureux hasard, l'éditrice du chanteur Daran, qui avait composé la musique sur un texte de Pierre-Yves Lebert, est retombée dessus il y a quelques mois. Et à l'époque, j'avais été très déçu que la chanson ne figure pas sur l'album, explique Daran au journal Le Parisien. Être chanté par Johnny, c'était une grande fierté. Le voilà donc exaucé. Ce qui me plaît, c'est qu'on prend des choses qui ont existé et on les finalise, explique Bertrand Lamblot, l'ancien directeur artistique de Johnny Hallyday. Sur Deux sortes d'hommes, on n'a rien fait. Elle était dans cet état-là, dans un disque dur. On n'a strictement rien touché. L'idée est de faire des choses dont on est fier et dont on se dit qu'il aurait été certainement fier. On réécoute ce titre-là. Je suppose peut-être que vous l'avez oublié. Hein. On oublie au fur et à mesure les titres qui nous sortent toutes les maisons de disques. Et c'est dommage, c'est dommage. Je ne parle pas de ceux qui s'en sortent, de ceux qui ne cherchent que le plaisir. Je ne parle pas de ceux qui s'emportent, qui voient l'amour où il y a du désir. Je parle des grands brûlés du cœur, les carbonisés pour toujours, les écartelés de l'intérieur, dont les plaies ne se fermeront jamais. Il y a deux sortes d'hommes au fond, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Il faut les voir un éclat dans l'œil, et puis se taire un peu hagard, perdu entre l'effroi et l'orgueil, on ne trouve que chez eux qu'ils s'égarent. Moi je parle de moi surtout, moi qui t'aimais comme un dément, et qui ressort un peu plus fou, plus riche sûrement, mais pas vivant. Il y a deux sortes d'hommes au fond, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se titres inédits de 2000 à 2024, c'est le thème de l'émission de Johnny de A à Z, ici ce soir sur Érigé. Le livre-disque Vie 1970 est sorti le 28 janvier 2022 et avec un titre inédit, le titre s'intitule Le spécialiste, qui a été enregistré dans les années 70, sans doute créé pour la bande originale du film de Sergio Corbucci et a été retrouvé dans les archives de la maison Universal. Cette chanson était sur une bande et dormait dans nos archives. On a réussi à mettre la main dessus alors qu'on la pensait perdu à jamais, confié Xavier Perrault, responsable artistique catalogue de Johnny Hallyday chez Universal. C'est une bande mixée dans laquelle il y avait deux versions de la chanson, une première avec une formation rock et une autre plus acoustique. Il n'existe que deux prises de cette chanson. Et pour des raisons encore floues, la chanson ne sera finalement pas retenue pour le film dans lequel Johnny Hallyday jouait son premier rôle de composition. Le spécialiste a été tourné en 1969 et sa musique a été composée par Angelo Francesco Lavagnino sur des paroles adaptées en français

Johnny en live. On va écouter un titre live, Je veux te graver dans ma vie, pour les 30 ans du concert des Parcs des Princes, lors des trois soirs, le 18, 19 et 20 juin au Parc des Princes en 1993. Le titre Je veux te graver dans ma vie fut écarté pour des raisons audibles ou auditives, comme vous voulez. Grâce à la technologie actuelle, ce titre est enfin présentable en 2023. Et là, on va écouter Étienne Loose et Geoffroy Doptin du studio Tonehouse, ceux qui numérisent toutes les bandes audio sur Johnny, lors d'une interview sur le Parc des Princes, que j'avais diffusé, il y a quoi ? Non, sur cet extrait-là, je ne l'ai jamais diffusé. Et donc, c'était il y a un an de ça, voilà. RAS, la différence, ça a été effectivement qu'on a rajouté le duo avec Sylvie Vartan. Alors, et, il est bien ? Tu veux la version d'interview ou tu veux la... Ah, mais bah, vas-y, sois cash. c'est pas fou, mais c'est pas assez loin d'être nul. Hein. C'est pas nul, non. Non, le truc, c'est qu'elle est, elle se fait un peu manger par Johnny, quoi. C'est-à-dire que lui, quand il se met à hurler, il la démonte un peu, quoi. C'est ça, ouais. Bah, c'est ça. Bah, c'est pas le même, oui, c'est pas le même gabarit, on va dire. Hein. Non, mais... voilà. Et autant sur le feu, ça peut fonctionner, ça oui, marche. Et oui. Autant sur le, parce qu'ils chantent chacun leur tour, tout ça. Et sur le Je veux te graver dans ma vie, ils chantent pas mal ensemble. Et donc ils ont, enfin, tu vois, on a dû retravailler un peu le calage entre les deux et un peu tuner Sylvie pour que ça colle, quoi. Oui, mais vous avez dû bidouiller, quoi. Vous avez encore bidouillé. On a dû bidouiller, ouais. On doit faire toujours un petit peu, quoi. Enfin, c'est, ça fait partie du jeu. Mais et... ça. De toute façon, tu le comprends, hein, pourquoi il n'était pas déjà à la base sur le mix de 93, pourquoi il n'était pas hein, ce duo. Ouais, ils ont dû galérer, ils ont dit on oublie. C'est ça. Aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on peut recaler facilement les choses sur Pro Tools, mais sinon, c'est vrai que c'est une autre histoire. Et puis donc, de toute façon, elle a validé, elle a écouté son manager aussi, donc voilà, tout est bon. On est droit dans les bottes, entre guillemets. C'est parti, je ne voulais pas m'arrêter. Là, une autoroute, je l'ai suivi, il a fallu que je me trouve. Là, oh, soudainement je suis tombé. Tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Il ne va pas tirer ceci, je veux seulement t'émettrer. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Johnny. Nous sommes à présent en 2023. On va parler du titre Un cri. Tout commence en février 2017 lorsque Johnny Hallyday apprend qu'il est gravement malade. Et malgré l'urgence, le chanteur décide d'enregistrer un album. Yodelis raconte, paradoxalement, à cette époque, Johnny était en pleine forme et il m'appelait tous les jours à la recherche de chansons. Yodelis se met alors en quête de textes auprès de divers auteurs et reçoit 20 titres de son ami Vincent Walter Jacob. Parmi eux, un seul retient l'attention de Johnny, Un cri. Ce morceau est enregistré en premier avant même le début des sessions officielles de l'album Mon pays c'est l'amour. Johnny l'enregistre alors avec, dans son casque, la guitare de Yodelis qui joue une rythmique plutôt blues. Paradoxalement, Johnny, sans doute influencé par la nouvelle récente de sa maladie, l'interprète avec une dynamique et une force très rock'n'roll, animée sans doute par sa rage de vivre, tel un cri du cœur. Après la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017 et la sortie de l'album Mon pays c'est l'amour en octobre 2018, Un cri semble tomber dans l'oubli, caché dans les archives de la Warner. Yodelis dispose néanmoins d'une base de travail, la bande vocale de la chanson interprétée par Johnny. 5 ans plus tard, en 2023, l'absence de Johnny Hallyday se fait toujours ressentir. Antoine Goufiane, le nouveau patron de Parlophone, explore les archives et ouvre la trace d'un grand cri. Yodelis, de son côté, est engagé dans de nouveaux projets. Cependant, lorsqu'Antoine Goufiane lui demande des informations sur Un cri, Yodelis exhume ce trésor caché et entreprend alors le travail de réorchestration du titre dans le plus grand secret. Il réécoute inlassablement la voix nue de Johnny, recrée tous les instruments lui-même et fait appel à une section de cuivre pour ajouter des touches subtiles. On va écouter dans quelques secondes le titre Un cri, mais on va écouter Yodelis qui nous avait accordé à moi et puis ainsi qu'à David Rico et à Fabien Foucault une petite interview et une écoute préalable de ce titre inédit. Au-delà de la promotion, en fait, c'est juste que quand je termine ce titre et que j'ai envie de le sortir, c'est que c'est quand même une démarche artistique. Ah oui. Et que tu vois, au-delà de tout ce qui se fait sur Johnny, c'est super parce qu'il faut qu'il perdure. C'était bien tellement sûr. Un artiste hors norme avec un répertoire absolument incroyable et tout ça. Et que là, voilà, j'ai pas l'impression, en fait, d'être dans une espèce de truc. Après, bon, c'est une économie. Il y a le mercantile. C'est vrai, évidemment. Non, mais on va pas se mentir. Ça reste un business malgré tout. Voilà. Mais voilà, normal, c'est normal. En tout cas, c'est fait avec la même bienveillance que mon travail pour lui. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais. Bon, je trouve ça très bien. non, mais voilà. Très honnêtement, là, franchement. Pas même une bonne étoile, un nom qui trace une ligne d'orgueil. J'ai dû prendre des coups, éviter des balles, oublier comment cloue le cercueil. J'ai goûté la violence, oui, bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'évancée, la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je le suis qu'un cri. Ce que je l'ai arraché à la vie. Ce que je le suis qu'un cri. S'en frappe la tête. Yeah! ne suis qu'un cri. À présent, parlons de la chanson « Grave-moi le cœur ». Cette chanson avait été incluse le 1er décembre 2023 dans une intégrale des chansons de John Hallyday, revisitée en symphonique et supervisée par Yvan Cassar. « Grave-moi le cœur » est une ballade, adaptation en français par Jean Foch, célèbre parolier qui travailla notamment avec Alain Bachung du standard d'Elvis Presley « Love Me Tender ». Le titre avait été répété et couché sur bande à l'origine, en prévision du show à Las Vegas en 1996 et d'un disque qui en découlerait, Destination Vegas. Mais Johnny n'a pas retenu ce morceau, ni pour le live, ni pour l'album. Aussi dingue que cela puisse paraître, c'était sur une bande de répétition et ça n'avait pas été numérisé. Johnny ne m'en avait pas parlé, il avait dû lui-même l'oublier, confier Yvan Cassar. Rentrons dans les coulisses de ce titre, Grave-moi le cœur, avec Yvan Cassar et Jean Foch. J'ai découvert quatre versions chantées de cette adaptation qui s'appelle Grave-moi le cœur, qui est donc l'adaptation en français de Love Me Tender. La consigne de Johnny, qui était très claire et qui posait un peu de difficulté, c'est qu'il voulait qu'on colle le plus possible à l'original. Il a enregistré cette version au studio Long Courrier pour préparer le show de 96, hommage au répertoire américain qui faisait Alala Dance Theater à Las Vegas. Love me tender, love me sweet, never let me go. C'est impressionnant quand on va chez Johnny Hallyday quand même, quand on le rencontre. Quand je suis allé là-bas, j'avais amené tout mon petit matériel, j'avais un petit ordi portable, une mini imprimante pour avoir les trucs au fur et à mesure. Alors je lui mettais le texte devant, il s'assied dans le canapé. En fond sonore, sur la chaîne IFI du salon, on passait, mais évidemment pas trop fort pour pas être gêné, l'original de la chanson. Et là, ça c'était extraordinaire, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que il est à 3 mètres en face de moi, et en une fraction de seconde, j'ai le Stade de France en face de moi. J'en ai tant vu avant toi. L'angle qu'a pris Jean Faux, qui est finalement plus mature, un peu plus solitaire, un peu plus en réflexion. C'est pour ça que j'ai voulu la prendre plus lente, suivre son empreinte finalement, puisqu'il l'avait chantée plus lentement, et la mettre au piano pour qu'on retrouve un peu ce côté plus profond. Et finalement, on a abandonné un peu Elvis Presley de l'adolescence pour une autre empreinte musicale. Cette chanson, elle se révèle capitale dans toute la carrière, dans la vocation et dans les débuts de Johnny Hallyday. C'est merveilleux, c'est pour moi l'une des plus grandes expériences professionnelles et émotionnelles que j'ai eues. Tout à coup, dans la bouche de Johnny, mes mots, et puis avec cette espèce de puissance. Et là, le texte, un texte, ça vit pas, c'est du papier. Mais tout à coup, par lui, je m'en souviens encore comme si c'était hier, là, ouais. C'est comme s'il était en face de moi. C'était fabuleux, fabuleux. Grave-moi au nom de l'amour, c'est lui le vainqueur. J'en ai tant vu avant toi, des filles dans mes nuits, toujours à l'affût fini, je te rends mes armes, grave-moi le cœur de ton nom. De bonheur, grave-moi au nom de l'amour. Non, je n'ai pas peur. J'étais rien d'autre avant toi qu'un homme sans âme. Regarde, je n'ai plus de l'âme, je t'offre.

Johnny en live. Johnny a aidé. Merci à Bercy en 2003, le lundi 15, le lundi mardi 16, le samedi 20 et le dimanche 21 décembre, Johnny clôture sa longue série de concerts sold out au Palais Omnisports de Paris-Bercy. L'un des rares spectacles parisiens de la star à ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion en DVD, chose faite en 2020, soit 17 ans plus tard. Le soir de la dernière, le rocker déchaîné met le feu au piano après un hommage à Jerry Lee Lewis sur Walla Shaking Going On. Beaucoup d'envie. Voici Johnny dans le Merci rock and roll, 2003. Monsieur Jerry Lee Lewis, un petit clin d'œil. Become another baby, hold on, the shaking going on. Become another baby, hold on, the shaking going on. Come on over, hold a lot of shaking going on. I said, come on over, baby, we've got a chicken in the bar. Come on over, baby, we've got a chicken in the bar. We're shaking, hold a lot of shaking going on. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake it. I'm gonna really shake it, baby, shake it. I said, shake it, baby, shake it. I said, come on over, baby, come on, let's rock and roll. Chicken in a barn, who's barn? What barn? My barn. Come on over, baby. We've got a chicken in a barn. We ain't singing. A whole lot of shaking. Oh, now. I said, shake, baby, shake it. I said, shake, baby, shake it. Come on, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on over, baby. Let's rock and roll. Cette émission, Johnny de A à Z, la 562e émission ici sur l'antenne de RIG. Et les thématiques étaient les titres inédits de 2000 à 2024. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et d'avoir participé à cette émission. Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez réécouter cette émission, le podcast sera disponible dès demain. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission, une nouvelle émission de 2 heures. A très bientôt, bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao!